La répétition au théâtre, c'est le travail nécessaire avant la première représentation. La répétition, pour Kierkegaard, c'est l'art de reprendre ce qui a déjà été fait pour mettre à l'épreuve son courage. Pour Nietzsche, c'est le test ultime pour évaluer notre rapport à notre propre vie. La répétition n'est jamais un bégaiement, ni un simple double de ce qui a déjà été fait. La répétition est le vecteur de toute création. Et le compositeur Philip Glass le sait bien. J'ai une formation très classique, vous savez. Et après un certain point, je pensais que toutes les musiques que j'ai composées, c'est pas moi. Et par hasard, je crois, simplement, quand j'ai 30 ans, j'ai commencé à faire une autre musique. Et d'abord, cette musique, on dit maintenant c'est répétitif, mais pour moi, c'est une musique sans histoire. C'est une musique pleine d'émotions, mais pas une émotion narrative. C'est une émotion, dans un certain sens, complètement différente. Comparativement, on peut dire que je suis un compositeur populaire, comparativement. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Est-ce que vous arrivez à décrire ce que vous êtes en train d'entendre, ce que nous sommes en train d'écouter? Alors oui, parce que c'est un des morceaux que j'ai sans doute le plus écouté de Philip Glass. Ben effectivement, on est à la fois dans la répétition, comme il vient de le dire, mais on est finalement dans quelque chose qui est plus lancinant, qui est peut-être plus magnétique aussi, peut-être aussi un petit peu intriguant. Parce qu'on ne sait pas vraiment exactement quelle est cette musique et comment la situer. Et c'est ça aussi qui la rend tout de suite très, très attractive. La musique est à la fois extrêmement simple et en même temps mystérieuse, si on entend par mystérieux ce qu'on n'arrive pas vraiment à nommer ni à élucider. Et ce que vous dites dans votre livre, Sylvain Fenet, Philip Glass, Accords et Désaccords, qu'on trouve aux éditions Le Mot et le Reste, c'est que ce mystère, en fait, il s'applique à Philip Glass lui-même, c'est ça? Oui, il y a quelque chose d'un peu énigmatique finalement chez ce compositeur, parce qu'il y a déjà une trajectoire qui est très longue, qui s'étend sur des décennies. Puisqu'il a vraiment commencé à composer en 1967, donc voilà, on est en 2022, ça fait un petit peu de temps, et que finalement il a emprunté des trajectoires tellement différentes au cours de cette carrière, qui est ponctuée aussi d'un nombre de collaborations un peu vertigineuses finalement, qu'on n'arrive pas très bien d'un premier coup comme ça à le situer. Donc ça c'est une première chose pour le rendre un peu mystérieux finalement, avec énormément de facettes. Puis ensuite, je crois qu'il y a effectivement, on le disait à l'instant, quelque chose de mystérieux dans cette musique qui peut paraître parfois très simple, elle est souvent pas tant que ça, mais qui nous parle en fait d'une manière assez profonde. Et ce que nous sommes en train d'écouter, ça s'appelle Opening, c'est donc une ouverture, ça tombe bien, c'est l'ouverture de cette semaine qu'on consacre à Philip Glass sur les chemins de la philosophie, dans son album Glassworks. Donc les études de Glass, et c'est un jeu de mots effectivement, parce que Glass en anglais ça veut dire le verre aussi, donc on entend comme des études de verre d'ailleurs dans cet album, et c'est vraiment emblématique du travail de Glass. On va retracer aujourd'hui le parcours et comment sa vision de la musique, comment elle évolue au fil des années. Mais il y a quelque chose, et lui-même le disait, il y a une grande émotion mais sans narration, et ça c'est très difficile à saisir. Oui, c'est difficile à saisir. Après, il faut, pour ça, effectivement, revenir à un certain nombre de choses qui ont bouleversé un petit peu l'apprentissage de Philip Glass, puisqu'il a eu un apprentissage extrêmement, étoffé en fait, mais il a surtout une rencontre avec la musique indienne qui explique des structures, notamment dans sa musique, des structures rythmiques qui sont particulières et qui sortent un peu d'une narration, je dirais, plus occidentale. Et ensuite, faut pas oublier que c'est aussi quelqu'un de très érudit et notamment très proche d'un certain nombre d'auteurs, notamment des auteurs de la Beat Generation comme Allen Ginsberg. Il a aussi, c'est l'un de ses premiers travaux en fait, travaillé à collaborer avec Samuel Beckett sur une adaptation de la pièce Play. Et Beckett lui-même avait finalement complètement décomposé le récit. À ce moment-là, Philip Glass se trouvait à Paris. Il était avec sa femme. Ils avaient créé une petite compagnie de théâtre d'avant-garde. Et ils communiquaient en fait par un intermédiaire avec Samuel Beckett, qui était à Paris, mais qui voulait pas vraiment leur parler. Et à un moment donné, Glass a demandé mais quelle doit être la musique de ce texte? Et Beckett a répondu la musique doit se situer dans les interstices. Donc voilà, sur la narration, finalement, dès le départ, il y a une volonté de sortir, on va dire, d'une narration, on va dire, conventionnelle, quoi. Mais comme pour dire l'essentiel, quand Beckett sort de la narration conventionnelle, il nomme exactement les choses qu'on n'arrive pas à nommer avec la narration conventionnelle, et Glass, c'est un peu pareil. Exactement, et dans toute cette musique dite répétitive, d'ailleurs, lui dit que si sa musique était toujours la même, en fait, elle serait inaudible, et c'est les petites différences et les petites oscillations comme ça qui la rendent en fait à la fois audible et qui crée finalement cette musique dans les interstices justement, et je crois que c'est ça qui la rend, qui provoque une narration. Comment êtes-vous venu, Sylvain Fenet, à écrire un livre sur Philip Glass ? Moi, je dirais simplement l'envie. Ça fait déjà quelques années quand même que je suis un petit peu son parcours. Et puis un jour, je crois que dans les débuts des années 90, en fait, tout simplement, je ne connaissais pas. Et un ami m'a remis un disque. C'était justement Glassworks. Et c'était le premier morceau que j'ai écouté. C'est celui qu'on vient d'entendre. Ouais. Et voilà, j'étais intrigué, séduit. Et effectivement, j'avais du mal à situer cette musique. Et ça a stimulé mon intérêt. Donc ensuite, évidemment, j'ai creusé un peu plus au fil des ans cette œuvre. Et elle m'a vraiment passionné. Et ensuite, l'envie est venue aussi du fait que finalement, pour un auteur, un compositeur qui est un des plus joués dans le monde, hein, dans les compositeurs vivants en tout cas, étrangement, en France, hormis la traduction de ses mémoires, en fait, il n'existait aucun ouvrage sur lui. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'essayer d'en dresser une sorte de portrait. Alors ça, c'est très intéressant en France en tout cas, parce que Philip Glass est extrêmement populaire. Il l'a dit en début d'émission, dans sa voix, parce qu'il parle français aussi. En disant, mais je crois comparativement, je suis plutôt populaire. Alors, on ne sait pas comparativement à qui, mais il a un côté populaire. Vous le qualifiez même de pop star dans votre livre, et c'est vrai, hein, il a collaboré avec David Bowie, avec des stars du rock et d'autres types de musique. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une réticence aussi à reconnaître à Philip Glass soit son talent musical, soit son expertise en compositeur, comme s'il y avait une sorte de snobisme qui faisait qu'on ne pouvait pas non plus complètement s'intéresser à lui. Oui, lui, il le dit, il le prend avec pas mal d'humour. Hein. Il dit qu'il a écrit une musique qui fait que les gens le prennent pour un idiot. Quoi. En fait, certaines personnes, en tout cas, le prennent pour un idiot. Il y a eu, en fait, les critiques surtout. Mais ça a commencé, en fait, dès ses débuts, effectivement, à New York, hein, où finalement, les portes, on va dire, de la musique académique, des institutions, se sont fermées à lui. Il a dû aller jouer, du coup, ailleurs. Il a commencé dans les galeries des arts plasticiens et dans les lofts à New York. Et puis, en France, ça a été un peu la même chose. C'est-à-dire, pendant longtemps, on considérait que c'était pas vraiment une musique sérieuse. C'est assez récent, finalement, qu'il y ait un petit peu une acceptation de son travail. Et effectivement, il avait été, par exemple, à un moment donné, interrogé par un critique qui lui disait, mais bon, ça y est, vous devez être content. Les critiques sont un peu plus gentils avec vous en France, après 40 ans où ça a été difficile. Et lui, il s'est exclamé, non, c'est juste qu'ils sont morts, en fait. Ils sont morts et ceux qui les suivent sont heureusement un peu plus sympas avec moi. Donc, effectivement, il y a une résistance depuis longtemps à sa musique, mais bon, ça l'a pas du tout empêché d'avancer. Non, mais vous l'expliquez comment ? C'est parce qu'il est populaire, justement ? C'est uniquement pour ça ou c'est parce qu'il sort de toutes les catégories? Il y a pas mal d'explications possibles. Les débuts de Philip Glass, la musique de Philip Glass, on y reviendra peut-être, mais effectivement très influencée notamment par sa rencontre avec Ravi Shankar, oui, en fait, qui du coup lui a permis vraiment d'avoir une approche sur le rythme, notamment très différente. On va dire ce qu'il a fait au début, ce qu'on appelle du minimalisme hardcore, quand même. Ouais. Dans les premières années, c'est effectivement une musique qui peut être un petit peu, qui peut parfois faire un peu mal aux oreilles. Et ensuite, on lui a reproché finalement de faire plutôt une musique plus accessible, certes, mais un peu simpliste. Et puis, je crois qu'aussi, on lui a beaucoup reproché, et ça c'est très français aussi, de pas rentrer dans une case précise, de pouvoir écrire des symphonies, mais d'aller aussi travailler avec Suzanne Vega, avec d'écrire des chansons pour Mick Jagger, avec David Bowie bien entendu. Enfin, d'être comme ça, c'est aussi un initiateur de la world music, donc il s'échappe des cases, et ça, je pense que les critiques français n'aiment pas trop en général. Ma rencontre avec Ravi fut mon premier contact avec la musique classique d'une culture différente de la mienne, la musique classique traditionnelle de l'Inde. En 1965, la musique indienne avait encore une touche très ésotérique. Elle était loin d'être partagée par tous. Et quand je suis allé travailler avec Ravi, je n'y connaissais rien du tout. Ce qui m'impressionna est la manière même dont la musique indienne est organisée. Pour faire court, en Occident, nous disons que la mélodie, l'harmonie et le rythme sont les trois éléments de la musique. Dans la musique occidentale, la mélodie et l'harmonie jouent le rôle dominant en termes de création de la structure de la musique, le rythme est en plus un élément décoratif. Mais dans la musique orientale, et en général dans la musique non occidentale, le facteur harmonique n'existe presque pas, et il est parfois totalement absent. Conjointement avec d'autres expériences que je faisais dans le théâtre, ce contact avec la musique indienne me poussa vers une façon totalement nouvelle de penser la musique, dans laquelle la structure rythmique remplissait la fonction de contrôle et je réduisis beaucoup l'harmonie jusqu'à la rendre quasi inexistante. Ce fut le début de ce que certains critiques appelèrent la musique minimaliste. Ravi Shankar a révolutionné l'approche musicale de beaucoup de chanteurs et de compositeurs de son époque. Hein. Sylvain Fanet, on peut penser aux Beatles notamment, mais c'est loin d'être les seuls. Alors pour bien prendre la mesure du changement qu'introduit dans sa propre vie, dans sa composition, la rencontre avec Ravi Shankar, il faut d'abord dire d'où vient lui-même Philip Glass. Il a fait des études classiques à la Juilliard School, hein, c'est ça? Ouais, complètement. Alors s'il a une structure très complète, en fait, d'une part, il est d'abord allé à l'âge de 15 ans, hein, quand même, à l'université de Chicago étudier la philosophie et les mathématiques. Donc, il est sorti diplômé de ça, mais il suivait déjà effectivement un enseignement musical. Et donc, il enchaîne avec la prestigieuse Juilliard School à New York. Et puis, finalement, il se dit, non, mais ça suffit pas. J'ai besoin d'apprendre encore plus pour devenir un compositeur. Donc, il vient à Paris. C'est au milieu des années 60. Mmh. Et là, il va suivre les cours de Nadia Boulanger, qui est la célèbre professeure. Disciple de Gabriel Fauré, ami de Stravinsky, ou chez qui tout le monde est allé prendre Mademoiselle. Des cours. Mademoiselle, exactement. C'est ça qu'on l'appelle. Donc, il donnait ses cours dans ses appartements de la rue Balu, dans le 9e arrondissement. Et donc, pour lui, c'est une expérience très importante, mais horrible, parce qu'elle est extrêmement sévère. Il arrive avec ses premières compositions. Le premier jour, elle regarde à peu près 15 pages de composition. Et puis, d'un seul coup, elle s'arrête sur une mesure. Elle dit, ceci est l'œuvre d'un compositeur. cœur, et c'est le seul compliment qu'il va entendre pendant 2 ans. Donc c'est vraiment hard. Il souffre beaucoup, mais en même temps, elle lui apporte une sorte de boîte à outils, comme il dit, qui va l'aider en fait à composer. Donc c'est cette formation ultra classique. Et pendant ses jours à Paris, il est appelé finalement sur un tournage. Donc c'est déjà le lien avec le cinéma. C'est un film qui se tourne, qui est un film un peu underground, qui s'appelle Chapaka, qui tourne un peu autour de la Beat Generation. On y retrouve d'ailleurs William Burroughs, Allen Ginsberg. Il y a même Moondog qui est là aussi. Et c'est Ravi Shankar en fait qui est en charge de cette musique. Et Philip Glass, lui, doit prendre la direction musicale. Donc il doit surtout traduire la musique de Ravi et de son ensemble à un ensemble français de musiciens français. Et il pense que ça va être très facile, et bon, il n'y arrive pas en fait. Il se heurte sur quelque chose, et là effectivement, il se rend compte que la musique est organisée d'une manière différente. Il n'y a pas de mesure, ce sont plutôt des cycles de notes, plutôt sur 16 temps, etc. Donc c'est une structure complètement différente. Donc c'est vraiment une découverte complète pour lui. Et en effet, ça va vraiment complètement révolutionner sa pratique de compositeur qui se développe vraiment après en fait. Donc ouais, c'est un vrai choc culturel pour lui, et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à un moment où il est en train de suivre la formation la plus classique qui soit, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Mais il parle dans le texte qu'on a entendu, il dit « ce fut le début de ce que certains critiques appelèrent la musique minimaliste, mais la musique qu'on a entendue ensuite, alors qu'elle fruit de sa collaboration avec Ravi Shankar, mais beaucoup plus tard, c'est un album paru en 1990 ». Je le qualifierais pas de musique minimaliste. Non, pas forcément, parce qu'effectivement on est en 90, et puis c'est un disque assez intéressant où en fait chacun d'un morceau à l'autre entre guillemets revisite la composition d'un autre. Donc c'est un peu un jeu de ping-pong entre les deux. Alors effectivement, ce disque-là est pas spécialement minimaliste, serait plutôt world music si on devait le qualifier comme ça. Ce qui va vraiment en fait, Philip Glass lui-même, il a toujours un peu rejeté ce terme de minimalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez une définition de ce que c'est que la musique minimaliste ? Ouais, la musique minimaliste, en tout cas, on peut vraiment pour le dire très vite, elle s'applique surtout à un courant américain, de musiciens américains. Donc il y a 4 fondateurs, on va dire, du courant minimaliste, qui sont Terry Riley, Lamonte Young, Steve Reich et donc Philip Glass, qui sont à peu près tous nés entre 1935 et 1940. Et en fait, c'est une musique qui trouve ses sources à la fois dans le jazz, justement dans la musique indienne, donc pas mal de musique extra-occidentale, et qui surtout est une musique qui s'exerce en opposition à la musique savante de l'époque, qui est la musique sérielle, qui est voilà, notamment Boulez, Stockhausen, etc., qui vraiment est un vrai dogma à l'époque sur tous les apprentis compositeurs. Donc eux rejettent cette forme de composition, reviennent quelque chose à une musique plus tonale notamment, donc ils reviennent à quelque chose d'une certaine manière plus conventionnelle. Et ensuite ça va être surtout effectivement beaucoup de structures répétitives dans la musique de ces compositeurs, une certaine économie de moyens en fait aussi, une certaine épure. Donc c'est ce qu'on peut très grossièrement appeler un peu la musique minimaliste qui trouve vraiment ses sources chez ces 4 compositeurs. Alors que lorsque Philip Glass se fait connaître du grand public, c'est avec une expérience complètement différente. Écoutez-le d'abord raconter sa rencontre avec Nadia Boulanger, dont vous avez dit un mot, c'est Philip Glass qui va la raconter, et puis l'extrait de la musique qu'il a fait connaître, je crois, sur la scène internationale en 1976. Je ne la cite pas, vous la reconnaîtrez sans doute. I went to Paris feeling that I was fairly educated. Avant d'aller à Paris, je me croyais bien formé. À 25 ans, j'avais eu ma maîtrise à la Juilliard School. C'est une grande école, très réputée aux États-Unis. Mais dès ma première rencontre avec Mademoiselle Boulanger, j'ai compris que je n'étais pas si bien formé. Son idée était que le style, ou plutôt le style personnel, devait s'appuyer sur une solide technique et qu'il était impossible de percer dans la musique sans basse technique. J'ai donc dû revoir complètement l'analyse, l'harmonie et le contrepoint. C'était une période très intense, au cours de laquelle j'ai acquis une certaine aisance technique toute nouvelle. Tout ce que j'ai écrit ensuite a été influencé par cette expérience. I think there's some wind. Einstein on the Beach de Philip Glass et Bob Wilson est l'un des chocs artistiques les plus importants des années 70. La première est donnée à Avignon en 1976 avec le Philip Glass Ensemble, puis est annoncée une tournée européenne et enfin qui sera ponctuée avec un triomphe au Met, au Metropolitan Opera à New York. Quelle folie, Sylvain Fanet, un opéra où on entend une suite de chiffres énoncés par des voix de femmes, tout ça autour de la figure d'Albert Einstein, c'est quelque chose d'absolument inouï au sens premier que nous n'avions jamais entendu avant. Ouais, ça a été, on aurait aimé être là en fait à cette première à Avignon en 76 pour voir et entendre ça, parce que c'était un spectacle en plus qui durait des heures, et ça a été un peu un ovni effectivement pour tous les spectateurs qui étaient là. Et c'est intéressant parce qu'on parlait juste avant de narration, et, ouais. Et un des chocs finalement de cet opéra, c'est qu'il n'a pas de vraie narration. En fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de continuum, etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui le rend. Il faut plus le voir comme une sorte de succession de tableaux, en fait, qui sont mis en scène, dans lequel se confondent sur la figure d'Einstein, sur la vie d'Einstein. Avec cette idée d'ailleurs qui est assez chère à Glass. Glass est passionné par les scientifiques, il a fait beaucoup d'œuvres sur les scientifiques. L'idée aussi que les scientifiques trouvent aussi leurs inventions d'abord par le rêve et par la poésie, et c'est pour ça aussi qu'on a Albert Einstein qui joue du violon. Il en jouait réellement, mais il y a une figure finalement poétique aussi du scientifique qui je trouve très intéressante, ouais. dans cette approche. Et ensuite effectivement c'est un choc parce que tout est nouveau dans la mise en scène, qui est complètement délirante. Alors c'est ce chœur qui effectivement énumère des chiffres, c'est venu tout simplement au moment où il travaillait. C'est-à-dire Bob Wilson est venu voir Philip Glass qui faisait répéter le chœur. Il lui a dit, ah, ça va être ça, les paroles. Et Philip Glass lui a dit, oui, ce sera ça. C'était pas du tout prévu. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et ça donne au résultat, si on ajoute aussi le travail très important de la chorégraphe Lucinda Childs, ouais. Ça donne effectivement une œuvre complètement, délirante et puis qui casse complètement les codes de l'époque, d'où un succès considérable. Alors, je précise pour nos auditeurs que jeudi prochain, on parlera justement de la musique minimaliste et répétitive plus en profondeur, que mercredi avec Jacqueline Coe, on parlera d'Einstein on the Beach, toute une émission consacrée à cette œuvre, donc on y reviendra. Et ensemble, Sylvain Fanet, en revanche, on va continuer d'analyser, de présenter ce travail de Philip Glass. Je vous propose qu'on entende sa voix maintenant, justement sa voix, une archive dans laquelle Philip Glass dit que le plus difficile, c'est de trouver sa voix, et qu'ensuite le plus difficile, c'est de savoir s'en débarrasser. Écoutez-le. J'ai découvert que j'avais développé une voix, un certain langage. C'est une préoccupation pour beaucoup de jeunes compositeurs. Nous nous demandons tous si nous allons trouver notre propre voix. Ça semble être quelque chose de très important. En fait, j'en ai parlé avec de nombreux jeunes. Il est certain qu'à 30 ans, vous arrivez à trouver votre propre voix. Certains la trouvent beaucoup plus tôt, Schubert, Mendelssohn, des gens comme ça. Mais pour la plupart d'entre nous, il faut un peu de temps. Mais ce n'est pas le véritable problème. La vraie question n'est pas de savoir quand on peut se faire entendre. La vraie question est de savoir comment s'en débarrasser. Ce n'est que lorsque l'on arrive à ce point que commence vraiment la découverte et le voyage du compositeur. Il résume ici toute son approche, Sylvain Fanet. Trouver sa voix, puis s'en débarrasser pour créer quelque chose qui n'est pas sa propre voix, justement. Ouais, c'est effectivement intéressant. Il souligne souvent le fait que même s'il a une œuvre qui est vraiment très très importante, un répertoire très important, il est aussi quelqu'un d'assez lent dans la composition. Il a besoin de prendre son temps. Il a pas ce côté prodige, etc. Donc il a mis un certain temps lui aussi à trouver sa voix. Et je pense aussi que toutes les œuvres qu'il a pu produire peut-être depuis une vingtaine d'années, qui sont plutôt des symphonies, des opéras, sont des œuvres dans lesquelles peut-être sa voix effectivement c'est un peu plus diluée. Mm-hmm. En tout cas, effectivement, ça lui a pris beaucoup de temps, je pense, pour arriver à ça. Mais c'est effectivement intéressant de se dire que sur une œuvre qui s'écrit pendant 55 ans, il y a une phase de maturation en fait qui est énorme, et peut-être que effectivement le but c'est d'arriver à un moment donné à écrire débarrasser de cette voix, mais est-ce qu'on s'en débarrasse vraiment? Ça, c'est la question. Non, mais en tout cas, ça fait la peau à ce mythe un peu romantique de voilà, mon œuvre doit être, c'est ma voix intérieure qui s'exprime dans mon œuvre. Philip Glass n'est pas du tout là-dedans, y compris. Et on va en entendre, il y a des morceaux qu'il a composés qui semblent beaucoup plus intimes, où il est seul face au piano, enfin, avec son piano. Mais même là, c'est comme s'il voulait conjurer quelque chose qui serait soi-disant son intimité. Oui, c'est vrai, et je pense aussi qu'on l'a dit, puis on le verra tout le long. C'est quelqu'un qui est énormément dans la collaboration, dans le rapport à l'autre. Et il a créé un ensemble, le Philip Glass Ensemble. D'abord 68. Un ensemble, effectivement, au tout début des années 70, parce qu'il avait besoin aussi de musiciens pour faire une musique un petit peu plus étoffée, qui était aussi une musique amplifiée. Et il a toujours été dans la collaboration, en fait. Donc c'est aussi une manière de confronter sa voix intérieure à d'autres voix intérieure et quelque part de la métisser déjà, et donc ça c'est déjà une manière de s'en débarrasser aussi, je trouve. Mais est-ce que ça veut dire qu'au fil des années et des compositions, il cherche à explorer le plus de domaines différents en sacrifiant peut-être une continuité, la patte Glass, est-ce qu'on peut la reconnaître à chaque fois? Je pense qu'on peut quand même la reconnaître au fil des ans, j'allais dire même des décennies. Moi, je la retrouve peut-être un petit peu moins dans des travaux plus récents. Je pense vraiment à certaines symphonies où peut-être il s'en est éloigné un petit peu, mais je pense oui qu'il y a quand même un vrai fil conducteur où on le retrouve quand même. Et c'est vrai que ces différentes directions qu'il explore à travers des collaborations qui elles-mêmes sont de bords très différents, ça l'emmène sur des contrées qui sont parfois très éloignées de ce qu'on connaît de lui. En 1996, Philip Glass collabore avec David Bowie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est tellement différent. Nous étions des personnes très différentes quand on a écrit ces choses-là dans les années 70. Il y a quelque chose de glacial sur lequel repose en grande partie le travail de cette époque. Et il m'est plus facile d'entendre l'interprétation de Philip parce qu'il y a un tel degré d'humanisme. Philip a humanisé ce qu'on avait fait. Really quite illuminating. C'est très éclairant. And does it embarrassingly enough point out what a, est-ce embarrassant que cela souligne une sorte de froideur que nous avions? I guess in my life at that time is a strange. J'ai l'impression qu'il y avait dans ma vie à cette époque un étrange sentiment d'isolement lorsqu'on écoute l'original. Donc je pense que je pourrais faire amende honorable musicalement rien que pour cela, parce que Philip m'a demandé d'écrire avec lui. Nous allons donc écrire ensemble la prochaine symphonie. En 1977, David Bowie chante Heroes. En 1996, Philip Glass reprend Heroes et propose sa Heroes Symphony. Qu'est-ce qui lui passe par la tête d'aller s'attaquer à la scène rock des années 70, Sylvain Fanet? Bon, alors c'est très naturel en fait, hein, parce que d'une part, dans les années 70, faut pas oublier que Philip Glass, il a joué, c'est un vrai New-Yorkais de la partie downtown, donc il était vraiment dans le microcosme underground en fait de toute cette scène artistique du sud de Manhattan. Donc il a côtoyé aussi bien John Cage que Yoko Ono, aussi bien Patti Smith que Sol Lewitt. Donc il est vraiment il a vraiment baigné en fait dans ce milieu new-yorkais. Il a été voisin de David Bowie à cette période. Ils étaient un peu amis. C'est touchant la manière qu'il en parle, qu'il a d'en parler là, David Bowie. Vous l'avez entendu. Oui. Bah, finalement, Philip Glass a illuminé ma propre composition. Bah il y avait un lien d'abord d'admiration de David Bowie et de Brian Eno, son compère, sur l'œuvre, sur le travail de Philip Glass, les premiers travaux et finalement les albums qui sortent, qu'on appelle la trilogie berlinoise, les albums de Bowie et de Brian Eno avec Heroes, Low et Lodger. Et qui sont enregistrés à Berlin, sont des albums où il y a des plages instrumentales qui sont très très étranges. Hein. Elles ont aussi inspiré beaucoup le paysage de la New Wave ensuite. Elles sont plutôt entre les mains de Brian Eno en fait, mais supervisées aussi par Bowie. Et c'est ces plages-là en fait que Glass va ensuite venir revisiter sous la forme de symphonie. Bon, il y a aussi Heroes hein, qui reprend vraiment le titre lui-même. Donc il y a une forme de conversation finalement. Bowie et Eno ont été influencés par Glass. Et lui-même revisite leur travail. C'est une forme de conversation finalement entre ces artistes qui est assez passionnante parce qu'elle se déroule sur des années. Et je crois qu'il y a vraiment une correspondance en fait entre ces univers. Oui, vous parlez de revisitation. Justement, c'est plus intéressant que la répétition parce qu'au fond là, c'est une véritable reprise qu'il propose. C'est qu'il fait quelque chose qui a déjà été fait mais différemment. Oui, il faut savoir aussi que au début des années 90, donc Philip Glass a déjà plus de 50 ans. Il est un peu poussé par certains de ses proches en fait à se mettre à la symphonie, parce qu'à cette même période, hein, quand même, Beethoven est mort avec toutes ses symphonies écrites. Et lui, quand j'ai dit qu'il était un peu lent, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est vrai. Qu'il dit lui-même. Hein. En même temps, tellement produit, il se met à écrire des symphonies et peut-être que pour entre guillemets se faire la main, il a commencé en fait avec sa première symphonie, c'était Low. Et donc un autre album de Bowie, Heroes, est arrivé un petit peu après. Et je pense que c'était aussi pour lui une manière de s'exercer à l'exercice symphonique, qu'ensuite il a largement déployé, puisqu'on en est quasiment à la 14e maintenant. C'est aussi pour lui une manière, ce travail de Bowie, le fait de le revisiter, c'est une façon aussi d'introduire un travail quand même qui est très ambitieux pour un compositeur, c'est celui de la symphonie. Mais est-ce qu'il y a le désir chez lui, puisqu'il va revisiter des travaux, des musiques de chanteurs dits populaires et que lui-même se présente aussi comme étant plutôt populaire? Vous dites que c'est comme l'itinéraire d'une pop star, Sylvain Fanet. Il y a ce désir chez lui d'être populaire? Je crois pas qu'il s'en soucie tellement en fait. Hein. Philip Glass, c'est d'abord quelqu'un qui travaille 15 heures par jour, donc c'est un solitaire sociable, on va dire, parce que c'est pas du tout un ours ou quelqu'un qui n'aime pas communiquer avec les autres. Il adore le contact, mais c'est avant tout quelqu'un qui travaille. Je crois pas qu'il soit spécialement dans l'envie du succès. Le succès lui est tombé sur la tête avec Einstein on the Beach. Effectivement, ça a lancé sa carrière, ça lui a ouvert énormément de portes. Donc je crois pas que ça relève de ça. Je pense que ça relève plutôt d'une véritable curiosité en fait pour d'autres courants artistiques, de rencontres, de liens qui se créent. Il y avait ce lien avec Bowie depuis les années 70 et d'une envie finalement de répondre musicalement. Je vois plutôt ça moi. Et comment en vient-il à composer des musiques pour le cinéma? Parce qu'il est connu aussi, ceux qui ne le connaissent pas forcément pour Einstein on the Beach le connaissent peut-être pour avoir composé les bandes originales de films tels que The Truman Show, Kundun, de Scorsese ou encore The Hours. Oui, c'est vrai que souvent les gens connaissent en fait ces musiques de films, notamment de ce film-là. Alors là aussi, c'est intéressant parce que dès le début, et on l'a abordé très rapidement tout à l'heure, c'était vraiment sur le tournage d'un film qu'il a rencontré Ravi Shankar. Ouais. Et puis ensuite, donc il a surtout un parcours dans les années 70 qui est lié au théâtre d'avant-garde. Donc il compose des musiques pour une troupe qui s'appelle Mabou Minds, qui est à l'époque dirigée par sa première épouse. Donc il est très très lié, son lien avec le théâtre est vraiment très important. Et puis finalement, c'est au début des années 80 qu'il y a un certain Godfrey Reggio, qui est donc un réalisateur américain assez atypique, qui le contacte et qui arrive à le convaincre de travailler sur un projet qui est assez étonnant. C'est ce qu'on appelle la trilogie des Katsi. Le premier film s'appellera Koya Naskatsi. Alors tous ces noms sont assez compliqués à prononcer, mais c'est un projet qui est assez génial parce que il est justement encore une fois dans une volonté de casser la narration, c'est-à-dire il y a pas de dialogue dans ce film, c'est un documentaire sur le monde où on voit d'abord plutôt la nature et ensuite plutôt la vie urbaine et on voit bien comment l'homme finalement peut être amené un peu à détruire cette harmonie naturelle, mais tout ça sans un seul mot. Donc c'est un dialogue entre des images très spectaculaires avec beaucoup d'utilisation du timelapse notamment et puis la musique de Philip Glass. Et ce qui est intéressant, c'est que dès cette première collaboration, Philip Glass impose d'une certaine manière, mais ça se fait naturellement avec Godfrey Reggio, une autre place finalement au compositeur. En général, le compositeur de film, il arrive à la fin du processus, hein, au moment de la post-production. Il a un rôle finalement qui peut être très important, mais qui arrive très tard dans la conception de l'œuvre. Et Philip Glass, lui, veut pas du tout être là-dedans, donc il intervient vraiment autant que le réalisateur, et toute sa vie, toute sa carrière, il va essayer d'imposer ça aussi au cinéma. Ça marche pas à tous les coups, hein, évidemment, mais il y parviendra aussi avec Martin Scorsese sur le film Condon, hein, où il compose la musique avant même que le film soit tourné. Donc, en tout cas, c'est vraiment Koyaan Iskatti qui est vraiment un documentaire assez incroyable qui lance sa carrière dans le cinéma. Ensuite, il y aura Mishima avec Paul Schrader, et puis effectivement, dans les années 90, il va être beaucoup plus demandé. Et il va finalement, on va dire, devenir beaucoup plus aguerri dans cet exercice de la musique de film et devenir quelqu'un d'assez incontournable dans le domaine. Ouais. Prokofiev a écrit sa première symphonie à 18 ans. Écrire un tel morceau à cet âge-là tient du miracle. On ne parle que de Schubert et de Mendelssohn, mais il y a aussi des génies modernes dont je ne fais pas partie. J'apprends très lentement, j'ai besoin de temps. Par chance, j'ai vécu assez longtemps pour que le temps joue en ma faveur. Si j'étais mort à 32 ou 36 ans, comme la plupart des grands, j'aurais laissé bien peu de choses. Un exemple de bande originale ici, vous êtes en train d'écouter la BO du film The Hours, réalisé par Stephen Daldry en 2002, adapté du roman éponyme de Michael Cunningham. Le film se présente comme un portrait de trois femmes de trois époques différentes, dont les destins finalement s'entrecoupent. Hein, d'ailleurs, les destins se retrouvent autour du livre de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Et en fait, la musique de Philip Glass ici joue comme un lien, Sylvain Fanet, entre ces trois femmes qui se retrouvent autour d'un livre, de l'objet même, hein, qu'est le livre. Mais la musique est vraiment, comme en cuisine, on dirait le liant. C'est ce qui fait qu'il y a une sorte d'harmonie entre ces trois destins. Oui, complètement. C'est vrai quand il en parle, il explique qu'au départ, quand il a voulu vraiment écrire la musique, il est d'abord parti sur trois thèmes différents qui suivaient ces trois portraits de femmes, et puis il s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, qu'il manquait vraiment justement une unité, et donc il a finalement retravaillé sa musique et conçu vraiment cette musique comme le fil rouge, quoi, en fait, de cette histoire, et ça fonctionne merveilleusement bien. Ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que Michael Cunningham a expliqué qu'il avait écrit, lui, le livre The Hours en écoutant en continu la musique de Philip Glass. C'est vrai ? Ah, donc l'écriture était empreinte de la musique de Glass que lui-même va venir rajouter au film. Voilà, mais effectivement, en tout cas, il y avait cette volonté de créer une unité qui, selon lui, autrement risquait de ne pas fonctionner. Ouais. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il répète souvent que ce n'est pas une musique narrative. Pourtant, là, même ce qu'on est en train d'écouter, on entend une narration, il y a une histoire qui est racontée. Oui, alors c'est vrai, je pense que notamment à travers certaines musiques de films, là on est déjà dans les années 2000, hein, et la musique de Philip Glass, elle a quand même évolué, elle est revenue aussi à une forme de, alors bon, attention au qualificatif, mais on va dire peut-être de néoclassicisme ou néoromantisme, hein. C'est parfois des étiquettes qu'ont pu lui être données ces dernières années. Donc on voit effectivement que il y a beaucoup plus de choses dans sa musique que dans celle du début des années 70, qui était surtout basé sur le rythme, en fait, sur la structure rythmique, où il y avait très peu d'harmonie, en fait. Mais c'est vrai qu'on a envie souvent de qualifier, même Opening, le morceau qui a ouvert cette émission, on a souvent envie de qualifier la musique de Glass de cinématographique. Il y a comme un mouvement, on imagine tout à fait un travelling quand on écoute sa musique. Complètement, et puis encore une fois, hein, je l'ai dit, il a vraiment ce lien aussi dès le début avec le théâtre. Il a été hébergé dans les années 70 par les artistes plasticiens, donc il y a un rapport à l'image qui est là depuis le début. Alors, on n'a pas encore entendu, et on va le faire dans un instant, Sylvain Fanet, du piano solo, justement, de Philip Glass. Quand on entend les musiques de films, les symphonies, les reprises plus pop et plus rock, on se dit quelle place y a-t-il pour juste du piano solo? Est-ce que c'était... je sais que certains interprètes, certains pianistes disent mais c'était pas là où il était le meilleur, justement, parce qu'il n'était pas aussi bon interprète que compositeur. Quelle place pour ses œuvres solo dans son travail, Sylvain Fanet? Alors c'est venu un peu, là aussi un petit peu sur le tard. En fait, on a écouté en tout début d'émission le morceau Opening qui est sur l'album Glassworks, qui est vraiment l'album qui a un peu propulsé dans les années 80 la notoriété de Philip Glass. Et à partir de là, finalement, les producteurs l'ont un peu poussé quand même à composer un peu plus pour le piano solo. Il a sorti un album qui s'appelle Solo Piano, qui [S2] Ouais. [S1] Date de la fin des années 80. Et ça a un succès tel que finalement, on l'a envoyé en tournée tout seul, parce qu'il tournait toujours avec son ensemble, hein. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé à jouer ses morceaux de piano tout seul, avec des compositions à l'époque qui étaient très belles, hein. On pense à Metamorphosis, par exemple, à Mad Rush, cette série-là, qui sont très belles, qui sont effectivement assez simples à exécuter. Donc il y a eu énormément de succès. Et puis, à partir des années 90, et notamment pendant 20 ans, il s'est attelé à une œuvre très passionnante, qui sont les études. Il y a 20 études, donc il y a deux cahiers de 10 études, qu'il a écrit quasiment en 20 ans. Et là, effectivement, on arrive dans un corpus, on va dire, pianistique qui est beaucoup plus riche, mm-hmm. qui est beaucoup plus intéressant et dont s'est emparée aussi une partie du répertoire aujourd'hui des pianistes contemporains. C'est-à-dire que ça lui a permis, je pense, de donner beaucoup plus de consistance à son œuvre pour piano solo. Et aujourd'hui, effectivement, ces œuvres-là, enfin, les études font vraiment figure de référence, quoi. C'est intéressant que ce soit des études d'ailleurs, parce qu'il disait dans l'archive qu'on a entendu avant d'entendre The Hours, il disait « Moi, je suis quelqu'un qui apprend très lentement, mais le temps joue en ma faveur. Si je n'avais pas vécu aussi longtemps, je n'aurais pas fait des choses aussi intéressantes », comme si finalement même son rapport au piano, ça passait par un certain travail. Le mot d'étude, c'est quand même ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, chaque étude, en fait, doit normalement répondre à un point technique qu'il s'agit d'améliorer. Donc au début, il l'a fait effectivement pour améliorer sa propre technique pianistique. Et ensuite, il l'a aussi fait pour améliorer sa technique de composition. Et je pense que ça a permis effectivement aussi à une nouvelle, peut-être, catégorie de pianiste aussi d'investir l'œuvre pour piano de Philip Glass, parce que jusqu'à ce moment-là, elle était jouée aussi notamment par le chef de son ensemble qui est Michael Ruizman. C'était joué de façon très mécanique et aujourd'hui on a un certain nombre d'interprètes qui apportent vraiment beaucoup plus de souffle, beaucoup plus de choses à cette musique, et ça c'est passionnant. On va entendre l'étude numéro 20. Vous voulez en dire un mot avant ou on l'écoute? Écoutons-la. toutes ces études se répondent les unes aux autres. Sylvain Fanet est dans la numéro 20, qui est considérée comme la plus aboutie, qui vient clore ce cycle-là. Il y a un double temps. D'abord, les premières minutes, on se dit, mais ce n'est plus du Philippe Glass, c'est autre chose, on entend quelque chose de différent. Et puis soudain, Philippe Glass revient et retrouve quelque chose qu'on a déjà entendu en fait dans presque chacun des thèmes depuis le début de l'émission. Oui, c'est vrai, c'est une étude qui est assez fascinante parce qu'on y retrouve à certains moments sa patte, mais par moments effectivement elle semble un peu nous amener ailleurs. Et le pianiste Nicolas Horvat qui a beaucoup évangélisé sur l'œuvre de Philippe Glass en France, lui il le voit comme une œuvre qui ouvre une porte vers autre chose quoi finalement. Bah, il le dit, je le cite, il dit ce n'est presque plus du Glass, il cherche des harmonies à la Bruckner, il installe des ambiances, la pièce a ses moments d'explosion, des polyharmonies, des effets de suspense. Cette étude, dit-il au sujet de celle que nous sommes en train d'écouter, me donne l'impression que c'est presque une musique de fin de vie. C'est superbe, mystérieux, et cette pièce semble l'amener vers un autre registre musical dont on a envie d'entendre la suite. Ouais, complètement, et c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement, je dirais, de ce travail pour piano solo, où on voit le chemin qui a été parcouru depuis effectivement les métamorphoses des années 80, où on a une musique qui est beaucoup plus complexe dans sa construction et qui est lui-même tout en le dépassant quoi finalement, ou en le transcendant peut-être. Je précise que dans la version que tu es en train d'écouter, c'est Maki Namekawa qui est en train de jouer. Oui, qui est un peu la muse de Philippe Glass, hein, qui est quelqu'un de très proche de lui et qui elle parle aussi de ses études comme une sorte de journal intérieur. En fait, on a l'impression un petit peu de pénétrer dans le journal intérieur de Philippe Glass. Et elle dit aussi que c'est une musique en fait qui est tellement profonde et tellement intérieure qu'elle nous parle aussi à nous auditeurs. Glass dit « Si on doit se souvenir de moi pour quelque chose, ce sera pour ma musique pour piano, car tout le monde peut la jouer. » Je vous posais la question, Sylvain Fanet, de savoir si elle voulait être populaire. Vous ne disiez pas forcément. En revanche, il lui tient à cœur que sa musique puisse être interprétée par beaucoup de personnes. Oui, d'ailleurs, il l'avait écrit quand il a partagé la partition, il a publié la partition des études. Et oui, je pense que ça c'est important. Alors il y a un petit peu d'ironie parce que effectivement, je pense qu'il aimerait. Enfin, je pense que sa musique ne reste pas uniquement pour son œuvre pour piano. Donc c'est un petit trait un peu d'ironie. Ah oui, vous pensez ? C'est oui. De l'amertume ? Non, je crois pas. Je crois que c'est quelqu'un aussi qui a de l'humour, hein, quand même. Donc, je crois que c'est plutôt de l'humour. Après, il y a quelque chose qui m'avait frappé. Bah, c'était justement au moment où je commençais à travailler sur le livre. Donc, mars, avril, mai 2020. Souvenez-vous, on s'en souvient bien. On était un peu enfermés. Et sur le compte Instagram, sur les réseaux sociaux, en fait, sur les comptes de Philippe Glass, il y a eu une explosion finalement de stories qui arrivaient avec des gens un peu partout dans le monde qui partageaient, qui jouaient du Philippe Glass au piano, c'était souvent au piano, hein, et qui partageaient finalement chacun leur interprétation. Et moi, j'ai trouvé ça très très fort et très touchant, quoi, en fait, sur l'impact de ce compositeur, quoi. Comment vous expliquez qu'à ce moment-là, Philippe Glass était un des compositeurs vers lesquels tous les pianistes amateurs se soient tournés? Je sais pas, récemment, sur l'actualité tragique, là, bien sûr, sur la guerre en Ukraine, il y a eu cette image qu'on a vue, hein, dans une des villes d'Ukraine où il y avait un étudiant en attendant l'invasion russe, en fait, qui jouait sur un piano dans un théâtre, je crois, et qui jouait du Philippe Glass. Philippe Glass a d'ailleurs réagi, hein, sur ce moment qui était très émouvant. Alors, j'ai pas forcément la réponse, peut-être que c'est quelque chose, encore une fois, on a dit sa musique nous touche de manière, moi je trouve, assez universelle et assez intérieure, donc peut-être qu'il y a une envie de partage à ce moment-là. Je suis pas capable de l'expliquer, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Bah, on en revient au mystère, oui, Philippe Glass, voilà, qui a ouvert cette émission, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir à quel point C'est ce que fait souvent la musique, à quel point une émotion qui peut être procurée à titre individuel et personnel, eh ben, finalement, va être quasiment universelle, puisqu'on se rend compte qu'au même moment, beaucoup d'autres personnes se tournent vers les mêmes types de musique. Exactement. On va se quitter avec un hommage que le groupe Depeche Mode a fait, a créé pour Philip Glass. La chanson s'appelle « It Doesn't Matter Too ». Vous allez l'entendre dans un instant. D'abord, je rappelle votre livre à nouveau, Sylvain Fanel. Il s'appelle « Philip Glass, accords et désaccords ». On le trouve aux Les Éditions, Le Mot et le Reste. Merci beaucoup d'être venu ouvrir cette série autour de Philip Glass. Merci à vous, Adèle. Voici Depeche Mode. France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de laisser Depeche Mode et Philip Glass, jusqu'à demain seulement, pour accueillir Frédéric Worms et sa chronique philosophique quotidienne, Le Pourquoi du Comment. Comment caractériser le réel ? Il y a dans la Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant un passage très célèbre et très mystérieux, d'autant qu'il semble contredire tout le reste du livre, tout l'édifice logique de cette grande critique. C'est le passage qui porte donc dans ce livre de Kant sur ce qui caractérise le réel. Kant s'aperçoit tout à coup que la différence entre le possible et le réel n'est pas seulement une différence logique qui tiendrait au contenu des choses, par exemple une licorne est-elle possible ? On va analyser le contenu de l'idée de licorne, voir si elle est capable d'exister ou non. Non. La différence entre le possible et le réel ne tient pas au contenu de nos idées. On ne peut pas démontrer une différence entre le possible et le réel. Et pour le prouver, Kant prend un exemple très simple et très célèbre. Il part des pièces de monnaie, les thalers allemands qui ont donné dans la suite aux États-Unis le dollar. La différence, dit Kant, entre 10 thalers possibles et 10 thalers réels. 10 dollars possibles et 10 dollars réels. C'est une différence qui change tout. Si vous avez seulement 10 dollars possibles dans votre poche, vous ne pourrez pas acheter les denrées nécessaires à votre survie. En revanche, 10 dollars réels, eh bien oui, c'est une question parfois de vie et de mort. Mais quelle est la différence entre les 10 dollars possibles et les 10 dollars réels? Au fond, elle n'est pas dans les dollars eux-mêmes. Où est-elle, cette différence? Eh bien, c'est très simple, c'est très radical, et en même temps, c'est très mystérieux. La différence entre les 10 dollars possibles et les 10 dollars réels, c'est simplement le fait que les 10 dollars réels sont là, que les 10 dollars réels, nous les sentons, nous les touchons avec nos mains, avec nos sensations, avec leur dureté, leur odeur, leur couleur, la façon aussi dont ils peuvent nous permettre d'accéder à des biens, d'éviter des maux, d'éviter c'est la mort parfois, avec 10 dollars en poche, on peut sauver une vie, on peut sauver sa propre vie. Mais la différence entre le réel Et le possible n'en est alors que plus mystérieuse. Bien sûr, il y a ce critère de la sensation, ce critère du sensible, de notre vérification concrète et objective. Mais en même temps, il y a ce mystère. Le réel, malgré tout l'édifice de la critique de la raison pure, c'est un fait. C'est ce que les existentialistes appelleront la facticité. C'est la donnée brute que personne ne peut justifier avec des arguments logiques. Ce simple fait d'être là. Et voici que la différence entre les 10 dollars réels et les 10 dollars possibles, fait de Kant, le fondateur de l'existentialisme, Kierkegaard, Sartre, Jankélévitch, qui approfondiront ce mystère du réel, cette donnée de l'existence. Ainsi, le réel n'est pas seulement ce que Kant lui-même voulait qu'il soit, une sorte de modalité logique, des choses en général, par opposition au possible, évidemment à l'impossible aussi, un cercle carré ne peut pas être réel parce qu'il n'est tout simplement pas possible, et aussi par opposition au nécessaire, les Grecs se méfiaient du réel sensible qui change tout le temps, et seul pour eux est le réel, l'immuable, le nécessaire. Mais non, le logique, le possible et le nécessaire ne suffisent pas à définir l'existence absolue du réel, l'irréductibilité du réel. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon de la Selle, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Dimitri Paz. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du compositeur Philippe Glass. Demain, on sera en compagnie de la pianiste Vanessa Wagner qui vous racontera comment Philippe Glass a révolutionné sa vie de pianiste classique. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la philosophie ou bien en la téléchargeant, la podcastant sur la plateforme de votre choix, notamment l'application Radio France vous permet d'écouter l'émission en direct et en podcast et en téléchargement. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, on est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.